Radio Libertaire 89.4. Alors, actualité antifasciste, cinquième épisode aujourd'hui. Hein. Alors, si vous ne connaissez pas encore, nous sommes une émission présente désormais tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois de 17 à 18h30 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France et sur le site anarchiste.info/radio/libertaire. Et pour aujourd'hui, j'ai un invité, je vais le présenter immédiatement, il s'appelle Hervé, il est du collectif La Horde. Hein. Il est déjà venu au mois de janvier dernier pour le premier numéro d'actualité antifasciste. Alors, salut Hervé. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs, ça marche? C'est bon, là, c'est bon, tu m'entends? Parfait. Oui. Salut à toi Hervé. Alors, La Horde, je viens de dire que tu venais du collectif La Horde. Je te demande très simplement de présenter à nouveau le collectif, ce collectif dont tu as déjà parlé, bien sûr, quand tu es venu ici en janvier. Alors, la caractéristique du collectif antifasciste La Horde, c'est d'être pas... On n'est pas un groupe antifasciste qui a une activité locale ou ancrée dans une localité, mais plutôt un collectif qui serait au service des autres collectifs antifascistes, qui eux font le travail militant de terrain, en proposant une espèce de boîte à outils qui propose à la fois de l'information, du matériel et de la formation pour ces groupes, ou pour tout antifasciste, même au niveau individuel. Donc notre idée, c'est plutôt, comme au collectif, on est plusieurs à avoir un peu d'expérience en la matière, l'idée c'est d'accompagner, d'aider, de proposer des outils aux groupes et aux individus qui veulent se mobiliser contre l'extrême droite. Ok, alors tu m'as dit juste avant qu'on commence que vous aviez sorti du matos là récemment, qu'il y avait de la promotion à faire par rapport à tout ça. Ouais, vite fait, en fait chaque mois de septembre à peu près, puis après une fois ou deux dans l'année, on sort du nouveau matériel. Donc là c'est des stickers en l'occurrence. Voilà, donc pour ceux qui nous connaissent pas, on a une 30-40 modèles de stickers antifascistes qui sont proposés sur le site. Que vous soyez un individu ou que vous soyez un groupe, l'idée c'est pas pour nous de faire de l'argent avec ça. L'idée c'est vraiment de pouvoir proposer le moins cher possible de quoi assurer une présence antifasciste localement, et surtout avec du matériel qui soit pas justement trop qui soit pas dans l'autopromo. Nous on a rien à vendre, même politiquement entre guillemets, pour notre boutique. Nous, notre but c'est vraiment de faire la promotion de la cause antifasciste au-delà de notre collectif, puisque nous par exemple on cherche pas à recruter des nouveaux membres, ou on fait pas de prosélytisme pour notre boutique. En revanche, on essaye de faire du prosélytisme pour l'antifascisme. Il y a votre cartographie aussi qui commence à être assez fameuse et qui a même été reprise dans le Monde Libertaire d'il y a quelques mois. Oui, alors ça c'est aussi... quand les gens nous connaissent, en général c'est plutôt par ce schéma donc, qui présente un petit peu les différentes familles de l'extrême droite de façon sous la forme donc, d'une carte. Et qu'on essaye de mettre à jour régulièrement. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, à part la disparition de la dissidence française, donc vraiment un tout petit groupuscule, ou comme ça deux trois choses qu'il faudrait corriger sur la dernière version. La disparition de la dissidence française. Ouais, cet été, ouais. voilà, tout le monde s'en fout, quoi. Bon, mais nous, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu des changements vraiment suffisamment importants, suffisamment significatifs pour que on ait besoin à la rentrée là de proposer une nouvelle carte. Donc celle qu'on avait faite datée de janvier, là pour le coup la dernière fois que j'étais venu elle était toute fraîche. Oui, parce que vous en sortez une vers la fin de l'année. En général, c'est 2-3 fois par an. Ça dépend en fait si on a l'impression que la carte est obsolète, et dans ces cas-là, c'est contre-productif. Si on pense qu'elle est toujours utile telle qu'elle est, on va pas la changer pour la changer. Voilà, et puis ça dépend aussi de s'il nous en reste encore en version imprimée ou pas. Voilà, donc là pour l'instant je dirais que le schéma, on n'a pas prévu de nouvelles versions dans l'immédiat. Ok, alors le site hein, du coup, La Horde, rappelle l'adresse rapidement. Donc c'est lahorde.samizdat.net. Ok, donc le site de la Horde, c'est du matos certes, comme on vient d'en parler, mais c'est aussi de l'actualité, de l'information, et c'est pour ça que je t'ai invité, parce que en fin de compte, notre émission s'appelle Actualités antifascistes. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que vous avez partagé, donc je commence du plus récent au plus ancien. Hein, vous avez... Alors, peut-être oui. Avant que tu commences, que oui. Pour les auditrices, les auditeurs, qu'on explique un peu comment on fonctionne. Oui. Nous, on, sur le site, bon, alors il y a des articles qu'on produit, qu'on écrit et qu'on propose par nous-mêmes, mais on essaye aussi d'être le relais de la parole des groupes antifascistes. Et donc, quand sur des sites d'information militante ou en tout cas indépendants, il y a des articles qui traitent du sujet, ou quand des groupes eux-mêmes produisent des communiqués ou des textes, des enquêtes, on essaye de s'en faire le relais. Ce qu'on ne fait pas, c'est reprendre des articles. On n'essaye pas d'être exhaustif, on n'essaye pas forcément non plus d'être les plus rapides. C'est un site militant, donc on va à notre rythme. On essaye de suivre plus ou moins l'actualité, mais surtout de proposer des articles qu'on va pas forcément trouver ou qui vont pas forcément circuler le plus. Quand on voit qu'une information va circuler très largement, par exemple sur les réseaux sociaux, ou que c'est la grande presse qui s'en fait le relais, il arrive qu'on en parle pas, sauf quand on a une vision autre ou critique à proposer. Mais voilà, donc l'idée, c'est aussi, à travers l'actualité, là encore, de donner de la visibilité aux groupes qui publient des textes sur la question. Ok, bah, de toute façon, tu sais, Hervé, moi, pour ma part, je cite la source à chaque fois que je trouve quelque chose sur votre site internet. Là, par exemple, j'ai un article que vous avez partagé, hein, de manif-est.info. Alors, c'est sur une librairie qui doit être inaugurée le 3 octobre prochain à Nancy, qui s'appelle Les Deux Cités, et alors qui se prétend conservatrice et indépendante, hein, elle est censée ouvrir aux 6 grandes rues. Alors, les individus qui sont à la manœuvre de ce projet, c'est messieurs Alexis Forget et Sylvain Durin. Et alors, justement, dans l'article que vous publiez, il est expliqué que Sylvain Durin dirige les éditions du Verbe Haut, qui aurait publié un ouvrage de Jacques Bainville, hein, qui fait partie des fondateurs de l'Action française et dont on a parlé le mois dernier dans notre émission consacrée à cette organisation. Il est expliqué également que les livres et les articles de Sylvain Durin sont partagés sur le site d'égalité et réconciliation d'Alain Soral, et que ce Sylvain Durin écrit dans le journal L'Incorrect, hein, qui est dirigé par Jacques de Guibon. Alors, ma question est relativement simple, hein. Comment est-ce qu'on peut empêcher ce lieu d'ouvrir, et si jamais il arrive quand même à ouvrir, comment est-ce qu'on peut faire pour finalement lui mettre quelques bâtons dans les roues, Hervé ? Alors, c'est un petit peu... Enfin... Déjà, sur la question de l'ouverture de ces lieux, pourquoi c'est important d'en parler. On a eu l'exemple à Paris de l'ouverture de la nouvelle librairie qui était une initiative, pour le coup, de la nouvelle droite, là où on a plutôt à Nancy une initiative des courants très conservateurs. Alors oui, c'est vrai que la librairie est ultra-conservatrice et finalement indépendante. Ça, finalement, on peut pas leur enlever ça. Mais c'est surtout, voilà, pour les idées réactionnaires qu'elle défend, que nous on la qualifie d'extrême droite. Et là où ça pose problème, c'est pas en soi qu'il y ait une librairie de ce type qui existe, c'est qu'elle devienne un point de fixation pour l'extrême droite locale. Bon, là, c'est sur une extrême droite, on va dire, bon chic, bon genre, sur Nancy, mais très rapidement, ces lieux deviennent aussi, pour l'extrême droite, un point de fixation pour s'organiser et pour aller au-delà de simplement la vente d'ouvrages. Donc ça pose des problèmes, et c'est en général comme ça. Alors après, les Nancéens géreront comme ils l'entendent. Mais généralement, l'idée, évidemment, c'est pas d'attaquer une librairie en tant que librairie, mais en tant point de ralliement pour l'extrême droite, ce qui là, pour le coup, y compris pour les riverains, peut poser problème. Oui, parce que... Il peut y avoir à l'intérieur de la librairie, ensuite, et c'est certainement ce qui va se produire, des conférences, des dédicaces, ouais. Voilà, des choses comme ça. Et là, à partir de là, c'est une façon aussi pour l'extrême droite de marquer le terrain. D'ailleurs, c'est la même chose avec nous, dans notre camp, quand on ouvre un lieu, qu'il s'agisse d'une librairie, d'un café associatif ou de quelque nature que ce soit, c'est, on le sait bien, aussi une manière de s'implanter localement. Et je crois que c'est ça, c'est là-dessus que les camarades doivent réagir et ne pas banaliser, en fait, ce type de lieu. Je crois que c'est ça le plus important, que ça ne se fonde pas dans le décor. Ok, alors, autre lieu hein, qui risque de se fondre dans le décor, l'Alvarium à Angers, parce que le samedi 12 septembre dernier à 14h, il y avait un appel à se rassembler place Molière, appelé par le réseau angevin antifasciste contre, alors, une occupation non conforme d'un immeuble qui est situé au 17 rue Thiers à Angers. Alors, l'Alvarium, on va en parler rapidement, c'est un groupement qui se présente sur son site comme un centre communautaire d'actions sociales et culturelles qui explique qu'il occupe l'immeuble dont je viens de parler depuis déjà 2 ans, mais que l'action n'avait pas été rendue publique et qu'il a pu y organiser, par exemple, le Noël des malchanceux. Ça, c'est spécial. Et il explique aussi qu'il lutte contre la gentrification africaine de la ville. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce centre communautaire d'action sociale et culturelle, Hervé? Et à part des occupations non conformes style Casapande, qu'est-ce que ça peut espérer faire? Alors, l'histoire de l'Alvarium est un peu particulière parce que, bon, alors là, c'est évidemment les mots que tu as repris, ben, c'est les mots qu'eux-mêmes utilisent, oui. Histoire de donner, d'essayer de donner du crédit à simplement l'ouverture d'un local. Hein. En fait, c'est rien d'autre que ça. Mais c'est déjà en soi un problème, ben, un petit peu comme avec la librairie, mais de façon plus appuyée, parce qu'une librairie reste une librairie, là où un local peut vraiment devenir, c'est d'ailleurs leur souhait, c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça, ils aimeraient bien devenir un centre social. Effectivement, il y a certainement Casapin, l'exemple italien de Casapin dans leur imaginaire. Mais ce qu'il faut quand même rappeler pour l'Alvarium, c'est que là, en fait, ils essayent de refaire à leur façon ce que les Lyonnais et puis d'autres après ont essayé de faire avec le Bastion Social il y a maintenant 3 ans, hein, puisque pour mémoire en 2017 il y a alors d'abord sur Lyon et puis ensuite sur Aix, sur Chambéry, sur Clermont-Ferrand et dans différentes villes, des tentatives d'ouverture de lieux. En fait, tout simplement sur le modèle des squats autonomes qui existent que nous on ouvre depuis plus de 50 ans. Enfin bref, voilà, c'est des pratiques qui sont directement empruntées à leurs ennemis politiques et sur lesquelles ils fantasment beaucoup parce que en fait, encore aujourd'hui et on en parle en fait jamais, régulièrement, il y a des lieux et vraiment des vrais lieux de vie. Qui s'ouvre, il y en a un qui a ouvert assez récemment à Lyon justement dans le quartier de la Guillotière et qui est à la fois un lieu d'habitation, d'accueil de réfugiés, dans lequel il y a aussi de l'accueil du public qui peut être fait, il y a un bar, etc. Et ça c'est à Lyon, mais ça existe dans plein d'autres villes. À Angers, il y a l'Étincelle, il y a aussi après malheureusement des expériences qui se terminent, mais je pense au squat du Marais à Caen, qui était un squat de plusieurs centaines de mètres carrés, quelque chose d'immense avec plus de 120 personnes qui habitaient, des familles, des activités régulières, des âgés, etc. Enfin, c'était quelque chose d'énorme. Et ça, c'est des pratiques que nous, on a, quand je dis nous, je dirais dans l'extrême gauche, pour faire simple, depuis très très longtemps, et que l'extrême droite a découvert il y a 3 ans. Et à partir de là, sachant que dans d'autres pays, en revanche, alors c'est vrai que par exemple l'exemple italien, c'est l'exemple d'une récupération de pratiques des centres sociaux réussie. Parce que aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, dans plusieurs villes, Casapone est vraiment devenu quelque chose d'incontournable et qui fait du travail social, malheureusement. Alors que du côté de l'extrême droite française, on en est toujours resté à l'échelle du fantasme. Le Bastion Social, ce qu'ils ont fait principalement, c'est des t-shirts et des conférences pour dire qu'ils avaient ouvert des lieux. Oui. Mais faire vivre ces lieux, y organiser réellement une vie ancrée dans le quartier, ça, ils ne l'ont pas fait. À la limite, à Lyon, la traboule identitaire est mieux implantée dans le quartier du Vieux Lyon que les tentatives de Bastion Social. Tout ça pour dire que dans la culture de l'extrême droite française, il n'y a pas de place pour faire vivre un centre social autogéré. Parce que eux, ce qu'ils savent faire, c'est ouvrir des bars, ouvrir des magasins de fringues, des commerces. Ça, oui, ils y arrivent. Ils l'ont déjà fait et ils le feront certainement encore à l'avenir. Mais là, cette prétention à ouvrir des centres sociaux, là, ça fait quand même un peu rigoler. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut prendre les choses à la légère, parce qu'encore une fois, pour l'instant, le lieu, que je sache, c'est, je dis pas de bêtises, mais c'est plutôt les Angevins. Je pense qu'on en discutait tout à l'heure hors micro. Certainement, ça serait intéressant dans ton émission que de leur donner la parole pour qu'ils racontent un petit peu à la fois depuis quand existe l'Alvarium, parce que l'Alvarium, avant justement, c'était un local associatif loué. Oui. Qui a eu beaucoup de mal à exister, bah parce que justement ils n'étaient pas implantés localement, et puis parce que les antifascistes ont fait le boulot sur place, okay. Et qui là essayent de se relancer en reprenant la méthode des Gudards du Bastion Social, sachant que la force de l'Alvarium, on peut pas leur enlever ça non plus, oui. C'est d'avoir réussi à fédérer quand même autour de leur petit lieu, et là autour de leur initiative, un petit peu toute la faune nationaliste de la région. Et donc c'est vrai qu'ils peuvent quand même compter sur quelques forces. Et donc il ne faut pas sous-estimer cette initiative, mais certainement pas la présenter en reprenant leur typologie, puisque si on les écoute, on a l'impression voilà, qu'ils ont ouvert un centre social, alors que pour l'instant, ils occupent un lieu dont on se demande bien ce qu'ils feraient. Je pense à ça parce que le bastion social, l'échec du bastion social, on va dire, ah bah oui, mais c'est parce que Macron, il a dissous. Mais en réalité, avant même la dissolution, il y en avait déjà plusieurs qui avaient fermé, faute de militants pour faire vivre ces lieux. Oui. Parce que l'implication que ça demande, eh bien, évidemment, il n'y a pas toujours, c'est pas évident de trouver les gens qui sont prêts à retrousser les manches et à faire vivre un lieu vraiment au quotidien. Oui. Après, je pense que tu en parleras tout à l'heure de l'exemple, il y a d'autres exemples par le passé d'implantation locale réussie dont malheureusement on paye encore aujourd'hui le prix. C'est l'exemple niçois, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est au programme. Hein. C'est quoi ? C'est Loubastioun, le local. Voilà, le local de Nice Arabella. Alors, qui en soi, la grande époque, on va dire, de l'implantation des identitaires sur Nice est derrière nous. En revanche, ce qu'ils ont construit, enfin, ce que Vardon, principalement, puisque c'était lui l'animateur, à l'époque où il faisait vivre Nice Arabella, eh bien, ce qu'il a construit, pour le coup, eux, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de résistance sur Nice, ça a été facile pour eux, et puis Vardon est aussi quand même quelqu'un, il faut, ça aussi on doit le reconnaître, qui s'est beaucoup investi et qui a vraiment su construire quelque chose. Et du coup aujourd'hui on se retrouve, même, alors Vardon est toujours dans le coin puisqu'il est à la fois conseiller municipal régional, à Nice et conseiller régional, donc bon forcément, et puis il a bien monté quand même les échelons au sein du RN, ouais. Donc forcément ça fait un appui, mais je pense que si aujourd'hui il y a encore des soucis à Nice, c'est aussi parce qu'ils ont réussi à tenir ce lieu, à avoir un local, quelque chose d'ancré vraiment pratiquement dans la ville. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'il y a eu le bastion social, qu'aujourd'hui l'Alvarium essaye d'à nouveau se réinventer autour d'un lieu, parce que un lieu fait tout dans une ville, et surtout dans une petite ville ou une ville moyenne comme Angers. Ok, effectivement, parce que l'actualité niçoise est au programme tout à l'heure. Avant ça, on va parler, là pareil, hein, à partir d'un article que vous avez partagé, de ce qui s'est passé à Nesle, N-E-S-L-E, dans la Somme, parce que une salle de spectacle qui s'appelle La Nouvelle Scène a accueilli les 5 et 6 septembre dernier une convention tatouage mise sur pied par un monsieur qui s'appelle Werner Rigert, je sais pas si je prononce bien son nom. Rigert, ouais, ok. Qui est, d'après ce que vous racontez, l'ancien chef du Picard Crew. Alors, le Picard Crew, moi, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai vu sur votre site qu'il se serait agi d'un groupuscule néo-nazi actif au début des années 2010. Et alors, l'un des jurés de la convention en question, ça peut quand même être surprenant, c'était Logan Jian. Et Logan Jian, bah, c'est l'ancien patron du GUD Paris. Logan Jian, qui porte d'ailleurs sur l'épaule gauche un superbe tatouage de la division SS Charlemagne, hein. Je rappelle ce que c'est la division SS Charlemagne, c'était des SS constitués de volontaires français. Alors Logan Jian s'est exilé à Lyon depuis quelques années parce qu'il est interdit de séjour en Ile-de-France, tout simplement parce qu'il a tabassé celui qui l'a précédé au poste de président du GUD de Paris, hein, Edouard Klein, et donc depuis fréquente notamment le salon de tatouage de l'ancien chef du bastion social justement sur Lyon, Steven Bissuel. Comment est-ce que des individus comme ça peuvent se reconvertir dans des activités comme le tatouage sans que ça fasse forcément beaucoup de vagues, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher d'avancer, surtout lorsqu'ils essaient un peu de masquer leur vrai penchant, Hervé? Alors, D'abord, ils étaient dans le tatouage avant, c'est-à-dire quand ils étaient. C'est toujours vrai, mais j'ai pas d'exemple quand même vraiment récent en tête. Mais par contre, dans le passé, c'est clair. Et pour le Picard Crew, c'est évident Alors là, on est dans un autre registre encore de l'extrême droite, qui est celui, on va dire, du milieu, pour faire rapide, skinhead, néo-nazi. Et qui s'est développé principalement au milieu rural ou périurbain. Oui. Et là, on a l'exemple. Alors, ça pouvait être en Picardie, effectivement, dans la Somme, mais il y a d'autres exemples dans les Vosges, etc. Où, en gros, là, on est toujours un petit peu sur la même thématique de la socialisation. Alors, il n'y avait pas forcément des lieux. Il pouvait y avoir des bars éventuellement, mais il n'y a pas forcément des lieux. En revanche, c'est autour de il y avait quand même une offre, on va dire, de rencontres. Alors ça pouvait être la musique et le tatouage aussi, qui était à la fois une façon de se rencontrer, de se reconnaître, d'offrir une cohérence de groupe aussi. Donc les néo-nazis, qui étaient aussi tatoueurs par ailleurs, ont utilisé cette activité pour faire de la politique. Aujourd'hui, le Picard Crew n'existe plus. Werner Hingert n'a pas d'activité politique connue. Oui. Et il est par contre toujours tatoueur. Il organise le salon qui était organisé avait aucune connotation politique. D'abord, il y a beaucoup de tatoueurs, je pense, qui ont participé sans chercher à en savoir plus. Là où ça devient effectivement, et on pourrait dire, bah oui, mais c'est le passé, laissez-le tranquille, il a tout arrêté, il a tourné la page. Alors nous, on veut bien, mais d'abord, rien ne dit qu'il a tourné la page. Ses tatouages, il les a toujours. Et puis, d'autre part, là où ça nous interpelle un petit peu plus, c'est lorsque, et surtout quand c'est la presse locale, le Courrier Picard, France 3, Picardie, qui lui redonnent la parole, et que quand il s'exhibe dans les journaux ou à la télé, en tout cas dans les journaux, il le fait avec, par exemple, des t-shirts qui, eux, pour le coup, sont très marqués politiquement, d'une marque néo-nazie ukrainienne, tranquille. Il s'exhibe comme ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour quelqu'un qui aurait tourné la page, c'était quand même facile de s'habiller autrement. Là, à un moment donné, il envoie quand même le message de « je suis toujours le même ». Alors évidemment, c'est pas pour... Il faut aussi... Enfin, fallait se renseigner un petit peu. Oui. Mais cette marque-là, je veux dire, elle est dite des t-shirts à l'effigie de Benito Mussolini. Ouais. C'était quand même... son symbole, le logo de la marque, c'est une croix gammée stylisée. Oui, donc, à partir de là, c'était pas très compliqué, surtout quand on se prétend journaliste, de se dire oui, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt un peu bizarre, on va peut-être chercher, on va juste taper le nom de la marque sur internet. Hein. Je dis pas de faire des recherches dans le dark web. Hein. Non, juste on regarde ce que c'est. On se renseigne, on dit tiens, quand même, SS, je sais pas, le logo il est bizarre. Je me renseigne, ah, c'est un truc néo-nazi, ah, bah alors le gars c'est qui? Ah, bah oui, en fait, on avait fait un papier sur lui il y a 3 ans pour dire que c'était un nazi. Et à partir de là, quand même, questionner ça. Ça, c'est le premier indice, quand même, qui fait certes, la convention n'a pas de connotation politique, mais le gars affiche les couleurs. Et d'autre part, effectivement, dans le jury, parce que, encore une fois, si Logan Dian était juste passé à la convention en tant que, je sais pas, visiteur. Bon, bah, ça entache pas là, ils y peuvent rien, ça. Ils peuvent pas sélectionner forcément à l'entrée. Mais là, ou même s'il avait été lui convoqué en tant que tatoueur, ah bah, on savait pas, je sais pas, il est dans le jury. Oui. Il est dans le jury. Et dans le jury, effectivement, il a ses tatouages visibles de tous, hein, sur les photos qu'on publie. Bah, c'est une photo où il est dans le jury, on voit le tatouage, il est bien entier. Sûr. Alors soit les gens ont effectivement aucune connaissance historique de rien, mais moi j'interroge quand même les tatoueurs qui n'étaient pas nazis et qui ne sont pas nazis et qui étaient nombreux quand même à cette convention. Enfin, je vais pas leur faire un procès d'intention, mais par contre ce qui pose problème, c'est que ces gens-là ne s'interrogent pas sur, mais alors que dans le milieu du tatouage, on sait malheureusement qu'il y a quand même toute cette tendance-là, il y a du tatouage politique de tous bords, mais aussi du tatouage politique nazi, et qu'à un moment donné, l'organisateur, un membre du jury, fasse partie de cette scène, où on est fait partie, on va dire, ça devrait à un moment donné quand même poser question. Ben oui. Et pour les gens qui ont participé à la convention en tant qu'exposants, et évidemment du côté de la presse, là c'est là où franchement là, ils se foutent du monde. Parce qu'il y a eu, c'est pas comme s'ils n'avaient pas parlé de l'événement, il y a eu une couverture médiatique locale assez importante. Parce que finalement, pendant l'été, il s'est tellement rien passé que le moindre événement... je veux dire, ils en étaient à faire des articles d'une demi-page pour expliquer que les dates de la convention n'étaient plus les mêmes. Donc ouais. À ce moment-là, ils étaient déjà en contact avec Rieger. Donc il y avait moyen à un moment donné de s'interroger. Et on en revient justement à ce qui est terrible, qui est l'absence de vigilance sur ces questions-là dans certains milieux. Et malheureusement, il faut reconnaître que là, dans le milieu du tatouage, on espère, mais on n'y croit pas trop, que suite après aux articles qu'il y a eu, il y a une petite remise en question quand même. En tout cas, quand les gens, je vais à une convention je suis tatoueur, j'ai une convention de tatouage, je connais pas le gars qui invite, je sais pas, pareil, je tape son nom sur internet, je vois qui c'est. Oui. Je me dis pas, ah ouais, bon, ça va. Et quand je le vois, je regarde les tatouages qu'il a, le t-shirt qu'il a, les copains qu'il a. Oui. Je me dis, est-ce que vraiment ma place elle est là? Est-ce que je devrais pas dire aux copains qui vont aussi, les gars, quand même, ça craint un peu. Mmh. Voilà. Ok. Alors, autre sujet, autre événement. Samedi et dimanche 5 et 6 septembre dernier, il me semble que d'ailleurs c'est, c'est à la même date que la convention de tatouage dont on vient de parler. La Ligue du Midi, qui fêtait son 10e anniversaire en organisant notamment un concert de rock identitaire et une démonstration de combat médiéval. Alors, étaient programmées les allocutions de Valérie Lopi, dont vous parlez allègrement sur la Horde, et vous avez bien raison de le faire d'ailleurs. C'est une candidate aux dernières municipales à Tarascon. Il y avait aussi Pierre Cassin de Riposte Laïque, Olivier Roudier, porte-parole de la Ligue du Midi, et Richard Roudier, son père, créateur de l'organisation. Alors, l'événement, selon l'affiche de présentation, avait lieu en Petite Camargue gardoise. Mais là, il y a aussi un lieu commun de tous ces mouvements-là, c'est qu'ils disent jamais où est-ce qu'ils font. Où est-ce qu'ils organisent leurs événements exactement? Donc, est-ce que toi, tu as une idée d'où est-ce que c'était? Et si jamais tu peux m'en dire plus, quel poids aujourd'hui pèse la Ligue du Midi, sachant que c'est une énième organisation identitaire? Là, on a encore un autre exemple. C'est intéressant parce que finalement, on a notre fil rouge. On est toujours sur la question des lieux. Et ce qui caractérise la Ligue du Midi, c'est deux choses. La première, c'est que c'est une entreprise familiale, puisqu'il y a le père, la mère et les deux fils. La mère aussi. Ah oui, la mère aussi, c'est une militante. Okay. Et qui, avant même d'ailleurs qu'ils aient des enfants, ils militaient déjà ensemble à l'extrême droite. Oui. Donc c'est une vieille histoire et une transmission et aussi une implantation locale, puisque les Roudier ont une ferme. En fait, c'est un ancien château en ruine, un ancien château qu'ils ont entièrement remis en état. Et autour duquel ils font du un peu de maraîchage, je crois qu'il y a aussi un petit peu d'élevage maintenant, et aussi du tourisme vert, puisque ils ont ouvert ils offrent en tout cas, alors c'est souvent pour des, là si on regarde sur TripAdvisor qui y va, c'est souvent des Suisses fortunés qui veulent se payer un petit peu de nature, donc c'est sûrement un très bel endroit, on y mange des produits du terroir, madame fait la cuisine, c'est etc. Où exactement, parce que tu l'as alors je vais dire une bêtise, donc là faudra que je regarde là de tête, je vais pas le retrouver. Oui, d'accord. Faudrait regarder, je vais regarder vite fait. Je le redirai peut-être tout à l'heure s'il faut. Oui. Je vais pas non plus en même temps faire forcément une, oui. une pub de fou pour leur truc. Oui. Mais on avait fait un article sur la famille Roudier, en fait, plusieurs, à partir du père, parce que c'est quand même le père qui est un petit peu la pierre angulaire de tout ça, ce qui est un peu normal dans leur modèle patriarcal, et qui aujourd'hui, par contre, est âgé, a quelques problèmes de santé. En particulier, il ne peut plus prendre autant la parole qu'il pouvait le faire par le passé. Donc, c'est les fils, et en particulier Olivier, qui a pris le relais. Mais la Ligue du Midi, alors c'est vrai que c'est assez insignifiant localement, puisque franchement, je pense qu'il ne dépasse pas la dizaine de membres. Mais malgré tout, alors ça fait un petit moment qu'on n'avait pas trop entendu parler d'eux. Puis là, c'est quand même un événement finalement assez confidentiel. Ouais. Qui a lieu probablement d'ailleurs dans leur ferme, je pense. Sûrement. C'est à vérifier, mais. Petite Camargue et Gardoise. Et qui est quand même la réservée aux initiés. Ouais. Puis, au niveau des intervenants, alors c'est vrai que Valérie Lopiès, je crois, on dit, elle a failli. Enfin, c'était nous, on avait fait un petit article dessus, on pensait vraiment. Enfin, on s'était dit qu'il y avait quand même des chances que cette femme emporte la mairie de Tarascon, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle essaye et qu'elle a été quand même bien en bonne position. Mmh. Et elle, pour le coup, alors elle était avant au Rassemblement National, mais elle l'a quitté parce que justement c'était trop mou pour elle. Et donc c'est vraiment une représentante de l'extrême droite radicale. Assumé et soutenu par la Ligue du Midi et puis aussi je crois par Renaud Camus. Ouais, et alors en regardant un débat auquel elle avait participé sur France 3 de la région en question, elle a prétendu qu'elle était soutenue par le CNIP. Oui, c'est possible. Hein. C'est un très vieux parti, ouais. Le CNIP. Hein. Oui, alors c'est pas possible. Après, c'est pareil, c'est un appui. Il n'y a pas d'appui de poids. En fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vraiment travaillé. Et encore une fois, on revient toujours à la même question. Même des personnalités avec un discours quand même très dur, vraiment ouvertement raciste, etc. Assumé, des fréquentations, franchement que n'importe qui, Civitas en particulier, donc des nationaux, des catholiques intégristes, mais vraiment dur de dur. Et vraiment, elle l'assumait dans les médias, elle l'assumait partout. C'est pas quelqu'un qui se cache, quoi. Et ce qu'on voit, c'est que même une personnalité comme ça, avec les discours qu'elle tient, à partir du moment où le travail local est fait sérieusement, et elle l'a fait sérieusement, parce qu'elle arpente la région vraiment depuis des années, et je pense qu'elle fait vraiment le boulot, et bien malgré toutes les outrances de son programme, et bien ça peut marcher. Alors elle n'a pas emporté la mairie, et quand même c'est tant mieux, mais c'est là aussi assez inquiétant. Et aujourd'hui, voir une personnalité qui a cette popularité, alors à l'échelle locale, on soit bien d'accord, Tarascon, c'est pas non plus c'est pas immense, hein, mais enfin quand même, de voir que cette personne peut s'afficher aux côtés de la Ligue du Midi ou de Riposte Laïque ou des groupuscules qui, eux, pour le coup, ne pèsent rien et se caractérisent à la fois par de l'outrance verbale, ça c'est pour Riposte Laïque, et puis par des actions violentes. C'est le cas de la Ligue du Midi, hein, les fils Roudiers ont été plusieurs fois condamnés pour des actes de violence. Quant à la Ligue du Midi elle-même, elle avait, alors je ne me rappelle plus le nom de l'association, mais à Montpellier, elle avait investi les lieux d'une association qui vient en aide aux mineurs étrangers isolés. Ils étaient rentrés dans les locaux, ils avaient mis le bazar. Ils avaient frappé personne, c'est heureux. Mais enfin, quand même, ils s'étaient vraiment permis des choses à visage découvert. Ils s'étaient filmés, enfin décontractés. Et elle, une possible élue, quelqu'un qui, je veux dire, qui peut se présenter. Les connexions se font localement et ça passe au calme, quoi. Et ça, c'est quand même là aussi, ça interroge sur une. Je ne sais pas si c'est une banalisation ou vraiment un désintérêt pour ces questions-là. Et encore une fois, bien sûr, la Ligue du Midi, c'est rien, rien du tout, à l'échelle locale. Enfin, comme on dit, ça pèse pas. Mais si ils ont une élue, aussi, il y a le maire, si tout d'un coup la maire de Tarascon, c'est leur pote, c'est déjà plus pareil, etc., etc. Et c'est comme ça que petit à petit, je ne dis pas qu'on y arrivera, j'espère bien que non, mais c'est quand même comme ça que des situations après locales deviennent vraiment problématiques. Encore une fois, on a parlé de Nice. Bon, Lyon, c'est encore autre chose, parce que c'est une grande ville. Mais sur des petites villes, il ne suffit pas grand-chose. Hein. Ça s'est passé aussi à Chambéry, dans une toute autre région, Haute-Savoie. Donc, c'est souvent dans des endroits, j'allais dire montagneux. Pas forcément, d'ailleurs, ce n'est pas le cas pour la Ligue du Midi, mais des endroits enclavés en tout cas, un peu coupés de tout, où les gens n'ont pas grand chose et c'est là où l'extrême droite peut s'implanter. Ouais, enfin quand même, la Ligue du Midi, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais ils sont actifs par-ci par-là, notamment sur Montpellier. Donc, de toute façon, ils peuvent pas faire là où ils habitent, il n'y a personne. Donc, quand ils agissent, c'est pour ça l'association qu'ils ont perturbée, dont ils ont investi les locaux, c'était à Montpellier. D'accord. Ok, alors, autre actualité, le 29 août dernier, cette fois-ci, Génération Nation. Hein, donc, c'est l'ancien Front National de la Jeunesse dans les Hauts-de-France qui a organisé une journée dite de cohésion avec un certain Thibaut Cotel, qui se fait appeler Thibaut Morlaix sur Facebook, qui est un ancien de Génération Identitaire, vraisemblablement. Dylan Delattre, qui fréquente également GI, la cocarde étudiante et le Parti de la France. Et il y avait aussi, d'après ce que vous avez dit, hein, Cyril Lefebvre, Donner et Nation Nord, dont on parlera également normalement tout à l'heure, qui participe au tractage, collage et meeting du député du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Alors, Génération Nation a par exemple consacré cette journée à la visite d'une brasserie, un barbecue et même à de l'acrobranche. Alors, sur le visuel que vous partagez sur votre site, là pareil, hein, il n'y a pas écrit où est-ce que tout ça est censé se dérouler. Donc, ne sachant pas grand-chose à part la présentation de l'événement qui a été faite sur votre site, où est-ce que c'était ? Où est-ce que c'était ? Et sachant que, oui, comme on l'a dit, c'est une constante chez eux de ne pas dévoiler le lieu où ils organisent ces événements-là. Alors, là, en l'occurrence, pour Génération Nation, pareil, je ne sais pas exactement où c'était, mais ce n'est pas tellement ça. Là, ce qui était assez incroyable, oui, c'était alors qu'il y a quand même au RN un discours de façade, de rupture, ouais, avec les groupuscules, vraiment assumé, non mais c'est vrai. Assumé, mais de moins en moins évident. Sur le discours, en tout cas, ouais, logiquement, il y a eu aussi des expulsions, des espèces de purge comme ça pour vraiment essayer de proposer une vitrine la plus nette possible. Mmh. Et on se rend compte qu'au niveau de la jeunesse, il y a deux choses quand même qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a plus vraiment de structure d'intégration au sein du RN. C'est vraiment devenu un parti de cadre et puis de machine qui en fait n'a pas d'autre but que de servir de machine électorale. Principalement à sa présidente et puis à ses cadres les plus importants. Donc il n'y a plus de militants de terrain au RN et même on voit ces derniers temps des purges locales concernant des gens qui sont des militants de terrain depuis des fois 10, 15 ans et qui se font dégager au profit de gens qui viennent de débarquer. Donc on voit bien que la stratégie du RN, c'est vraiment plus du tout d'entretenir la machine militante qui existait par le passé, mais au contraire, limite de s'en débarrasser parce que certaines personnes sont un peu encombrantes. Mmh. Et au niveau de la jeunesse, donc avant on avait le Front National de la Jeunesse qui a disparu et qui avait déjà plus vraiment d'activité, mais là on a quand même un mouvement qui revendique des dizaines de milliers d'adhérents sur le papier, qui rassemble des centaines de milliers d'électeurs, voire de millions d'électeurs quand c'est des élections nationales, et qui, lorsqu'ils organisent le camp d'été de leur mouvement de jeunesse, rassemblent 50 personnes. Donc déjà, on est là où il n'y a pas... Enfin si, maintenant, il y a un petit peu longtemps, mais à l'époque où le Front National était aussi un parti de militants, au Front National de la Jeunesse, quand il y avait des camps d'été, ça pouvait être des centaines de gens. Oui. Ce qui était finalement assez normal. Là, on avait vraiment déjà très peu de personnes, et en plus... c'est ça que nous on voulait un peu mettre en exergue et en plus parmi les militants présents, beaucoup de militants identitaires toujours actifs, c'est-à-dire c'est pas des ex de génération identitaire qui auraient évolué vers le RN, mais non, c'est des gens qui sont toujours actifs dans la mouvance identitaire et qui aujourd'hui sont en première ligne sur l'animation du mouvement de jeunesse du Rassemblement National. Ça, c'est quand même par rapport au discours en soi. Ouais, si le discours était assumé, ça serait cohérent. Oui. Mais enfin, c'est pareil, on est un peu étonné, alors que c'est pareil, c'est des informations assez faciles à trouver. On est un petit peu étonné que personne ne relève ça. Alors bon, on sait que Marine Le Pen a l'habitude de balayer à chaque fois d'un revers de la main dès qu'on lui met un peu le nez dans le caca sur ses fréquentations. Mais là, on n'est pas simplement dans ses anciennes amitiés ou des choses comme ça. On fait pas les poubelles. Ouais. Là, on regarde où en est le mouvement aujourd'hui. Bien sûr. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, c'est en plus de ça, c'est pas une réunion locale. Oui. C'était vraiment le temps principal, ouais, le temps fort du mouvement Génération Nation, alors qui certes ne représente rien, oui, mais qui encore une fois sur le papier reste la structure nationale de jeunesse du RN, et c'est pas rien. Ouais, alors après, concernant la fréquentation par le RN de certains membres, notamment de Génération Identitaire, il faut quand même savoir que y a des anciens, enfin des anciens ou actuels cadres de ce mouvement qui travaillent, qui ont des postes, des emplois au Rassemblement National. Je pense à Pierre Larty ou Aurélien Verracel, par exemple. Oui, mais pour la plupart d'entre eux, ouais. Par exemple pour ceux qui sont devenus assistants parlementaires ou autres, ou qu'on trouvait du boulot au RN, ouais. C'est pas une stratégie. Là où je trouve que c'est un petit peu différent, c'est que c'est beaucoup d'identitaires qui se recyclent. Ouais. C'est-à-dire ils ont appris des choses en communication politique, parce qu'en fait c'est les identitaires, hein, c'est pas beaucoup d'action et c'est beaucoup de communication en réalité. Ouais. Mais ils communiquent extrêmement bien, ça c'est indéniable. C'est vraiment par la publicité en fait que ce mouvement existe. Et par des coups de pub, il y a rien d'autre en fait à leur actif réellement que des mises en scène et des campagnes d'autopromotion, ouais. Mais qui sont très efficaces. Et ça, c'est un savoir-faire que les identitaires transmettent à leurs militants. Et certains le monnaient politiquement après au Rassemblement National. C'est principalement pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, la ligne politique. Qui est des identitaires, pour l'instant, n'infléchit pas celle du RN. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence politique des identitaires, parce qu'ils ne sont pas au RN, comme par exemple quand l'œuvre française faisait de l'entrisme au sein du Front National. Ouais, avec c'était Benedetti. Pour faire bouger les lignes, bah oui. Ouais. C'était vraiment pour pousser le FN vers la droite. Quand les identitaires rentrent au RN, pour le... Du moins, quand ils sont employés par le RN, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Quand ils sont employés, on peut, franchement, c'est une façon, encore une fois, de monnayer un savoir-faire. En revanche, là, l'exemple qu'on donnait dans la Somme, on a des gens qui sont à la fois militants identitaires et militants à Génération Nation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire d'argent ou d'emploi ou de dans de la trucs Somme, comme ça. Excuse-moi, c'est dans les Hauts-de-France, toi tu sais que c'était dans la Somme. Parce non, que c'est-à-dire que c'est des militants de la Somme. Voilà. Ah, d'accord, ok. Mais ils militent pour le RN localement. Donc c'est des militants de terrain. C'est là où, là, pour le coup, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que entre des gens qui vont être simplement au service d'eux, parce que c'est ça, quand on est assistant parlementaire, on n'a aucun pouvoir politique. Non, aucun. Bon, donc on est juste là pour faire ce qu'on nous dit. Oui. Donc c'est pas un poste politique en soi. Ce qui est politique, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que ces emplois sont attribués à des identitaires. C'est significatif. Hein. Je suis pas en train de dire que ça a pas de sens. Je dirais que c'est pas la même chose que de voir des militants avoir la double appartenance, sachant que encore une fois sur le papier au Rassemblement National la double appartenance est interdite. C'est interdit, quel que soit le mouvement, hein, pas que avec l'extrême droite radicale, c'est interdit d'avoir une carte ailleurs. Okay. Et là, c'est au vu, au su de quasiment tout le monde. Alors évidemment, ça fait pas on n'en parle pas beaucoup, mais c'est là encore, on a un double discours. Et là, pour le coup, politiquement, quand on est militant dans deux structures, bon bah là, on peut imaginer que les idées qu'on défend dans l'une, bah on les défend dans l'autre. Ça, c'est sûr. Et ça me semble plus significatif politiquement peut-être que de cas. Un peu plus médiatique dont il a été question et qui sont encore une fois je dis pas du tout que ça veut rien dire, c'est aussi important de mais là c'était encore c'est encore autre chose. De à quoi tu penses quand tu parles de cas médiatique? Bah, les exemples que tu donnais de cadres identitaires qui à un moment donné se retrouvent utilisés ou par le RN parce que encore une fois ils ont des qualités, ils ont tellement de mal en fait à recruter des gens qui ont des compétences que c'est sûr les identitaires en ont. Mais ce que les identitaires pour l'instant, hein, alors après ça peut évoluer hein, mais entre le discours anti, par exemple sur le racisme anti-blanc qui est vraiment le cheval de bataille des identitaires qui martèlent etc. Non pas qu'au RN ils ont, parce qu'il y a des gens comme Jean Messia etc. qui se font le relais de ces choses là donc je dis pas que le racisme anti-blanc n'est pas repris par le RN mais il est pas placé au cœur de leur discours. C'est à la marge toujours que ça se fait. Il y a une espèce de solidarité qui s'exprime à l'égard des identitaires et sur le racisme anti-blanc parce que voilà, c'est pratique. Mais encore une fois, en termes de programme, Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait cette influence-là. Ok. Alors, ce que les identitaires essayent parfois de faire croire pour exister politiquement, ce qui est de bonne guerre. Tu m'étonnes. Alors, on avait dit qu'on en parlerait tout à l'heure. Chose promise, chose due, du coup. Et en plus, c'est bien parce qu'on reste dans le sujet hein, des identitaires qui trouvent du taf au Rassemblement National. Alors, mardi 1er septembre, là, c'est une table de solidaire étudiant hein, qui a été attaquée à l'université de Nice. Vraisemblablement, du coup, de la part des identitaires hein, qui gèrent, on l'a rappelé tout à l'heure, la salle de boxe Club 1543, ouverte en février dernier et du coup située 9 rue Ribotti, qui est donc le siège de Lou Bastion et le local de Nissa Rebella. Alors, la page Telegram hein, du groupe West Casual a revendiqué l'agression juste après. Et dans le communiqué intersyndical que vous partagez, effectivement, il est mentionné l'élection de Philippe Vardon, qui est fondateur hein, des identitaires et qui du coup là est donc nouveau conseiller municipal à Nice, sachant qu'il est déjà conseiller régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, en PACA, et aussi membre du bureau national du Rassemblement National. Alors, question toute trouvée, hein, mais quelle passerelle est-ce qui peut exister, on en a parlé, hein, mais entre les identitaires et le RN, qui permettent justement à des types comme Vardon de passer de l'un à l'autre? Alors l'itinéraire de Vardon, c'est un petit peu, c'est pareil, hein, c'est difficile de faire des généralités parce que dans le cas de Vardon, oui. Son entrée, alors au FN à l'époque, puisqu'il y avait, c'était avant que le FN change de nom, c'est pas faite non plus de façon totalement fluide. Hein. Et puis les raisons, on les connaît, c'est l'échec du mouvement bloc identitaire qui l'a animé. Il faut se replonger, alors maintenant ça remonte un petit peu longtemps, mais en 2010 ça devait être l'apothéose un petit peu du mouvement, enfin 2012 plutôt, non, en fait dès 2010 il y avait cette grande campagne grande entre guillemets menée par les identitaires qui s'appelait Une autre jeunesse et qui devait être en fait l'espèce de marchepied pour le développement du mouvement des identitaires qui devait à ce moment-là passer en phase 2 quoi. Et en fait, ce qui s'est passé en 2010, c'est qu'il ne s'est rien passé du tout, justement, du côté des identitaires. D'abord, au niveau de la direction, ça a commencé, Vardon se retrouvait un petit peu tout seul. Le FN s'est trouvé Marine Le Pen, donc hop, il était reparti, il renaissait de ses cendres. Et du coup, ils arrivaient au bout. Donc Vardon s'est retrouvé à cette époque-là sans projet politique, puisque ce qu'il avait monté en 2002 s'avérait être un échec. Ouais. Après, il y a eu les identitaires sont pareils, se sont réinventés entre guillemets en renaissant sous le nom de Génération Identitaire. Vardon pouvait plus accompagner ce mouvement-là. Lui-même, je pense, il avait envie de passer à autre chose parce que c'est pareil quand on monte un projet dans l'idée d'en faire une force politique et on se voit un avenir politique et que ce projet il échoue, il faut bien se raccrocher aux branches. Et donc, il s'est rapproché à l'époque où il y avait le Rassemblement Bleu Marine. Donc, on est en 2012-2013. Et il s'est dit, là, il y a une ouverture qui se fait, puisque le FN a joué cette carte-là, de dire, maintenant, on va recruter au-delà de nos propres forces. Et c'est le moment où il a essayé d'adhérer au Rassemblement Bleu Marine. Alors, il a eu sa carte, après, on lui a enlevé sa carte, finalement, on lui a rendu sa carte. Donc, voilà, ça ne s'est pas fait non plus totalement. C'est l'époque où, le FN se demandait... Enfin, était un peu encombré, on sortait tout juste de l'affaire Gabriac, dont un gars qui avait posé devant un drapeau nazi, on tapait un zig et qui était candidat, je crois que c'était à Villeurbanne déjà. Gabriac, Gabriac. Et Gabriac, il avait déjà un poste de conseiller municipal ou quelque chose comme ça. C'est ça, et c'était un nazi. Et donc là, il y avait plusieurs histoires où le FN se dépatouillait difficilement, et là, Vardon qui prend sa carte RBM, forcément, ça faisait un peu désordre. Donc ça a un peu cafouillé, et puis après, Vardon et Marion Maréchal Le Pen, je fais rapide, gros, Marion Maréchal Le Pen et Vardon se sont bien entendus, puisqu'ils se sont rendus compte que finalement, ils avaient les mêmes idées, et à partir de là, l'intégration de Vardon au RN s'est faite, et encore une fois, c'est aussi quelqu'un qui a des compétences politiques, ça c'est sûr, et donc il a très bien su se vendre et trouver sa place, et sa force principale, et c'est ça que je crois qui a intéressé d'abord Marion Maréchal et puis ensuite le RN, c'est son implantation locale. C'est-à-dire que autant c'est pas lui qui allait être candidat à la mairie de Nice, mais tout de suite, mais c'est sûrement quelque chose qui est envisageable dans le dans le futur, une fois que les gens auront un peu perdu la mémoire, comme à chaque fois. D'ailleurs, juste une toute petite question au passage, parce que je sais pas trop où est-ce que ça en est, parce que Nice, le RN effectivement, a une certaine assise et leurs idées avec du coup le Bastion, mais est-ce que à l'avenir on peut envisager éventuellement, vu les positions d'Estrosi, Ciotti et compagnie, un rapprochement au niveau des étiquettes entre les Républicains et le RN sur place? Alors très franchement, ça m'étonnerait, ouais. Puisque l'un a besoin de l'autre, ils ont besoin, dans la campagne électorale, il faut bien quand même, je les vois mal s'associer. Là après c'est pareil, je connais pas non plus... Pourtant au niveau des idées, ils sont quand même pas loin. Hein. Ah oui, mais les idées c'est une chose, et puis oui. Après les manœuvres politiques c'est autre chose. Ouais, donc là je crois que la tambouille politicienne sur Nice, là pour pas dire de bêtises, il faudrait je pense demander pareil à des gens, à des Niçois tout simplement, qui connaissent bien la réalité politique locale, et de voir comment les forces en présence peuvent s'arranger entre elles. Ça dépend beaucoup du contexte, et là je pourrais pas en parler. Par contre, pour ce qui est du local des identitaires sur place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là c'est pas le local du RN, donc c'est toujours le local des identitaires, il est toujours là, et d'après les camarades syndicaux qui se sont syndicalistes qui se sont fait attaquer, eh bien, il y aurait un lien direct entre la salle de sport où ils s'entraînent, et de fait, ils s'entraînent qu'au sport de combat, donc on peut se demander aussi un petit peu pourquoi, et l'attaque. Ce qui est quand même un petit peu, je pense que cette histoire, elle peut être mise en parallèle avec une histoire récente aussi, peut-être les auditeurs n'ont pas entendu parler, qui est qu'en février 2020, il y a des membres du... Alors c'est à Toulouse que ça se passe, on n'est pas tout à fait au même endroit, mais on n'est pas non plus hyper loin. C'est pas la même région, mais vous allez voir tout de suite le parallèle. Il y a des membres du Rassemblement National, dont le candidat à l'élection municipale pour Toulouse, qui ont porté plainte après qu'on ait perturbé, attention qu'on s'entende, un tractage du RN. Donc on parle pas de gens qui se sont fait agresser, on parle pas de gens qui se sont fait frapper, on parle de gens qui se sont fait simplement un peu chahuter en train de distribuer des tracts, comme ça se fait depuis, finalement, toujours. Oui. Et là où c'est terrible, c'est que, qu'ils portent plainte, à la limite, c'est bien leur droit. Là où c'est terrible, c'est qu'on a 7 personnes, et dont plusieurs syndicalistes enseignants, qui ont été directement, suite à cette plainte, placé en garde à vue, donc très récemment, je crois, il y a quelques jours, convoqué au commissariat, placé en garde à vue pour cette histoire qui date de février, simplement sur dénonciation, il n'y a pas d'autre mot, du RN, c'est-à-dire dans le cadre d'une plainte, comme si c'était normal. Là où on s'interroge, c'est que dans le même temps, on aimerait bien savoir où en est l'enquête à Nice concernant l'agression, là pour le coup les mots sont pesés, d'autres syndicalistes, alors certes étudiants, mais je vois pas ce que ça change, par des militants, alors qui sont pas identifiés pour l'instant, dont on peut imaginer, d'après ce que disent les camarades, qu'il s'agit de militants identitaires, et vu la situation sur Nice, la proximité entre le RN et les identitaires, on peut aussi imaginer que c'est des gens qui ont la double casquette. Donc là on voit aussi, de la part de l'État, quand même, un parti pris, et ça aussi ça interroge. Alors faut pas non plus tomber dans la caricature, parce que ça serait inexact de dire que l'extrême droite n'est jamais embêté, que l'État les protège, ou des conneries comme ça, parce que ça c'est inexact. En revanche, on peut quand même un petit peu, c'est plutôt du côté de la police, je pense, qu'il faut chercher. Il y a toujours un certain zèle quand il s'agit de l'extrême gauche, et puis parfois un petit laisser-aller, on va dire, quand c'est l'extrême droite. Après, les révélations qu'il y a eu sur les groupes de parole de policiers permettent un petit peu de mieux de comprendre cette situation. En revanche, au niveau des procureurs, au niveau de l'État, je pense que à peu près de façon équivalente, un coup ça dissout à gauche, un coup ça dissout à droite, un coup ça interpelle à gauche, un coup ça interpelle à droite, sachant que pour le moment, c'est vrai que je pense que les mouvements qui défendent la justice sociale sont certainement représentent aujourd'hui pour l'État sûrement un danger plus grand que la défense du souverainisme ou du nationalisme, ça c'est évident. Ouais, juste concernant les liens quand même, notamment police et groupe dont on parle, on reviendra si on a le temps, parce qu'il est déjà 17h55 et on est supposé rendre l'antenne dans une demi-heure, mais on parlera notamment de ce qui se passe à Lille, parce qu'à Lille il y a quand même des choses importantes qui peuvent nous éclairer sur le sujet. En attendant, on va se déplacer du côté de La Rajas, hein, La Rajas dans les monts du Lyonnais, le local Terra Nostra du groupuscule Lyon Populaire qui a pris la suite du bastion social dans le secteur, a mis la clé sous la porte, alors je crois début septembre du coup, et donc le communiqué de la Jeune Garde Lyon explique que la mairie a agi de cette façon suite à un vote des élus et à un rassemblement antifasciste. Comment est-ce que le bastion social réussit à se reconstituer sous d'autres noms, alors en créant des associations comme Lyon Populaire à Lyon, mais aussi Audace, c'est pas la même structure. Il y a aussi Vendest, là c'est à Strasbourg, Edelweiss à Chambéry ou Ténézoun à Aix-en-Provence. Parce que les militants sont toujours là. Alors oui. Que leur projet, que le projet Bastion Social en tant que tel ait été un échec, c'est une chose. Après, les gens qui l'animaient et les gens que, mine de rien, tout échec qu'il ait été au final pendant son temps d'existence, ça a été un moment de rassemblement et de mise en lien les uns avec les autres. Alors, comme souvent, quand il y a un échec de projet, après il y a des tensions. Donc entre Lyon Populaire et Audace, c'est aussi le résultat d'une scission à l'intérieur du bastion social. Finalement, à l'extrême droite, il y a les mêmes problèmes qu'on peut avoir chez nous. Quand ça va mal, ça va mal et du coup, on se déchire. Ça, c'est plutôt bien parce que ça empêche de prolonger un petit peu ce que le bastion social aussi avait tenté de faire, c'est-à-dire de dépasser un petit peu les clivages de groupuscules et puis de travailler ensemble. Cela étant, comme ils n'ont pas de nouvelles idées, c'est ça aussi, à un moment, ils essayent de refaire ce qu'ils ont déjà fait. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Ça ne marche pas trop. Alors après, il faut quand même surveiller un petit peu ce qui se passe autour de ces différents collectifs, savoir lequel... Si on a un, lequel des deux va finalement emporter le morceau et rassembler aujourd'hui, parce que ça c'est pareil, c'est pas propre à l'extrême droite, mais ça existe chez eux comme chez nous. Il y a vraiment une volatilité des militants et des militantes qui est extrême. Donc les gens peuvent être 6 mois à l'AF, 6 mois chez les identitaires, 6 mois ailleurs. En fait, ça au gré du vent, les gens se déplacent d'une structure à l'autre. En fait, là où il y a de l'animation. Et ça, pour des groupes politiques, c'est très compliqué à gérer parce que quand on est à la mode, tant mieux. Et puis quand on n'est plus à la mode, tout d'un coup, tout le monde disparaît et tout le monde va ailleurs. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a autant d'appels à l'unité, à se rassembler, à se regrouper. Mais je dirais, nous, on ne fait pas différemment. Donc c'est pas... on peut toujours s'en moquer, mais finalement, toutes les structures un petit peu à la marge du monde politique institutionnel essaye de réinventer des recettes pour se regrouper, et l'extrême droite ne fait pas exception. Ok, alors 18 et 19 juillet à Strasbourg, Génération Nation à nouveau, et alors Young Alternative, c'est de l'allemand, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est les jeunes de l'AFD. La branche jeune du parti Alternative for Deutschland, qui se sont rencontrés pour, d'après un texte que vous avez partagé, cimenter une identité européenne. Alors au niveau de l'action, les deux groupes seraient venus devant un squat qui s'appelle l'Hôtel de la Rue, qui héberge à peu près 150 personnes, pour manifester et peut-être déloger les habitants. Ensuite, ils auraient organisé une maraude alimentaire selon leur maxime favori, c'est-à-dire les nôtres avant les autres, avec apparemment la présence de Enzo Nian, de la cocarde étudiante. Et pour terminer, toute cette assemblée aurait pris un repas au Zoom Strissel, restaurant qui accueille des événements de l'Action française, de la cocarde et du coup de la dissidence française, ainsi que tu l'as dit en début d'émission, qui vient de mourir. comment est-ce qu'une alliance entre tous ces groupes, ou devrais-je dire ces groupuscules, est possible à l'heure actuelle? Est-ce que, par rapport au cas strasbourgeois plus précisément, on peut établir un lien avec Vendeste, du coup? Alors déjà, comme on le fait souvent, dans le cas de Strasbourg, on a repris le texte. Moi, j'ai pas d'informations complémentaires par rapport à l'article qu'on a publié à donner. Ce que je peux juste dire, c'est que au niveau de la jeunesse, là, on est dans les tentatives de regroupement internationaux ou en tout cas binationaux entre militants nationalistes. Et ce que les adultes, on va dire, enfin les grands, n'arrivent pas à faire, les jeunes essayent de créer des rapprochements, mais c'est pas ce qui se passe entre le RN et l'AFD, puisque au jour d'aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de travaux collectifs entre ces deux structures. Il y a vraiment des passerelles idéologiques très fortes, mais c'est pas du tout structuré de la même façon, ne serait-ce que parce que le RN a une structure à la française, donc très centralisée. Certes, il y a des pôles locaux, mais on voit très bien que dès que le FN s'implante localement, en fait, la personne, on le voit avec Ménard, on va le voir avec Alliot, très vite les gens s'autonomisent, en fait, ils se détachent en quelque sorte de la structure nationale. Là où au contraire l'AFD, et c'est normal, évolue dans un milieu politique aussi qui est fédéral. Oui. Et donc, il y a des différentes AFD, en fait, dans chaque land allemand. Du coup, là, c'est lesquelles? Alors, je sais pas, du coup, c'est ce que je te disais, j'ai pas d'informations, je peux pas compléter là ce que l'article dit, je ne sais pas d'où venaient ces jeunes allemands de l'AFD, si c'était une structure, pareil, si je ne sais pas non plus comment est structurée l'AFD, si leurs structures sont, ils ont une structure nationale ou pas. Il est possible, mais ça serait à vérifier, mais c'est souvent comme ça que ça se passe, que les parlementaires de l'AFD invitent des jeunes, des jeunes militants, les mettent après les chapotes sous la structure jeune et les présentent. Là, on a l'impression de quelque chose d'un peu artificiel devant le Parlement à Strasbourg. De militants qu'on a été chercher dans les différents milieux, un peu pour la photo, de montrer que y a les mêmes préoccupations aussi bien en France qu'en Allemagne sur les questions du souverainisme, de l'immigration principalement, de l'accueil des réfugiés, et je crois que c'est là-dessus qu'ils s'étaient mobilisés. Ok, alors on a dit aussi qu'on parlerait de Lille, parce que, alors là on remonte au 20 juin dernier, il y a eu une manifestation qui était appelée derrière le slogan « Faidherbe doit tomber » devant la statue de ce général, dont il faut rappeler qu'il a été notamment gouverneur de la colonie du Sénégal. Et alors en plus des dizaines de gendarmes mobiles qui ont été mobilisés pour empêcher les manifestants de s'approcher de la statue, derrière eux il y avait alors une quinzaine de militants venus protéger entre guillemets cette statue, dont dites-vous des membres de l'Action nationale et radicale, des anciens du Parti de la France, un certain Clément Lagache de la Losc Armee, la Losc Armee c'est des supporters du club de foot de Lille, et aussi un certain Leroux qui s'était illustré dans le documentaire d'Al Jazeera sur Génération Identitaire et la Citadelle, en train de saluer ses copains à coups de Heil Hitler, Sieg Heil, la Waffen-SS, Troisième Reich, ou encore Génération Identitaire, Nique ta mère, etc. Bon, et à Clermont aussi, 21 juin, là ce sont des membres d'Honneur et Nation qui se sont retrouvés à 5 devant la statue de Vercingétorix, avec des pancartes sur lesquelles étaient marquées « White Lives Matter » ou encore « Vercingétorix présent ». Comment est-ce que ces groupes arrivent à exister? Parce qu'ils ont l'air vraiment fragiles, sincèrement. Oui, après, c'était pas l'action du siècle non plus de se regrouper pour protéger, entre guillemets, des... Alors, à Lille et à Clermont-Ferrand, c'est un petit peu différent, c'est pas tout à fait les mêmes, si ce n'est que il y a un peu aussi... C'est clair, une volonté d'exister en essayant de suivre le courant et en singeant un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Mmh. Sauf que, aux États-Unis, il y a un vrai mouvement suprémaciste blanc qui est historique, qui est structuré. On peut même dire que l'essentiel, enfin vraiment une des branches majeures de l'extrême droite américaine, c'est celle-là. C'est celle vraiment du suprémacisme blanc. Là où le suprémacisme blanc en France... Comment dire, alors, d'une certaine façon, les identitaires le portent, puisque par l'entrée du racisme anti-blanc, du rejet de ne cesse de parler de ça. Hein, donc Mais en réalité, en tant que tel, assumé, c'est-à-dire on n'a pas non plus la même histoire, donc c'est compliqué. Il n'y a pas de groupe, il y a des groupes suprémacistes blancs en France, mais qui sont totalement insignifiants. Honneur et Nation, ils se revendiquent vraiment comme des nazis, comme des néo-nazis. L'ANR aussi. Et donc, tu vois, le gars dont tu parlais de Lagache. Qui était de Lagache, c'est vraiment des personnalités, comment dire, on peut le dire folkloriques. Et donc, du coup, les actions étaient peu importantes. Ce qui est intéressant de voir, je prends l'exemple de Clermont-Ferrand parce que il fait plaisir. C'est vrai que le Honneur et Nation, donc c'est un groupuscule qui est la nouvelle version d'un autre groupuscule, mais pareil, d'une quinzaine de personnes qui s'appelait la Division Nationaliste Révolutionnaire, la DNR, et qui a connu une scission à 15. Ils ont réussi à se couper en deux et une partie d'entre eux a monté un nouveau groupe. Mais alors, pour l'instant, c'est clair que c'est vraiment des groupes qui sont assez insignifiants. Et d'ailleurs, pour la blague, ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand, c'est que donc ils sont venus à 5. Ouais. Donc déjà, c'est pas beaucoup. Et surtout, assez spontanément, il y a des gens du quartier qui sont venus pour se foutre de leur gueule. Donc ils se sont mis devant eux avec des panneaux, il y avait écrit ouin ouin ou des choses comme ça. Et donc les gens les ont absolument pas pris au sérieux, ce qui est un petit peu normal. Ils étaient 5. À 5, voilà. Après, là où ça fait moins rigoler, alors c'était très courant, c'était très bien de la part des gens sur place, mais nous qui les suivons d'un petit peu plus près, parmi eux, il y en avait un qui s'appelle Cuny et qui, lui, est originaire de... Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il est de La Rochelle. Et pour le coup, donc il y a aussi un vrai nazi. Alors c'est ça qui est assez étrange avec l'action de Clermont-Ferrand, c'est qu'on a vraiment des gens qui, sur les réseaux sociaux, sur leur corps, à travers leurs tatouages, leur discours, leur imagerie se revendique clairement comme des nazis et qui finalement sur le terrain peuvent sembler inoffensifs, sauf que ça a été le cas là parce que je pense qu'ils n'ont pas su comment réagir, se poser, et je pense qu'ils s'attendaient pas. Et en revanche, qui individuellement sont des gens susceptibles de passer à l'acte et d'être dangereux. Et c'est le cas pour au moins l'un d'entre eux qui a déjà dans son quartier tenter d'intimider des gens, etc. Donc c'est à la fois c'est tout le problème avec l'extrême droite radicale. On a du mal, et nous aussi, à les prendre au sérieux. Qui a déjà essayé d'intimider des gens dans son quartier? Pardon? Qui a déjà essayé d'intimider le gars dont je parle là, qui s'appelle Cuny. Ah d'accord, okay. On en a déjà parlé. Et tout ça pour dire que, alors bien sûr il est isolé, bien sûr qu'on peut dire mais oui, mais ça, on défouille, il y en a partout, etc. C'est pas faux. Simplement, c'est toujours pareil, il faut s'occuper de ces groupes-là tant qu'ils sont insignifiants, tant qu'ils sont petits, parce que si on les laisse se développer sans surveillance, ou en tout cas sans attention de notre part pour voir justement où en est leur niveau de dangerosité, le jour où ils se structurent, le jour où ils deviennent incontournables, encore une fois c'est ce qui s'est passé avec Casapound en Italie, c'est trop tard. Juste quand même que ça soit bien clair, je suis pas en train de dire que Casapound c'est la faute à un manque de vigilance de la part des camarades italiens, parce que justement, c'est un pays comme en Espagne, comme en Allemagne, comme en Grèce, où on est très attentif à l'extrême droite et où on la laisse jamais se développer dans l'indifférence. Bon, c'est un combat qui a été perdu, mais ça, c'est pas de leur faute. En revanche, ce qu'on remarque souvent dans notre pays à nous, c'est vraiment un désintérêt pour ces questions-là, et toujours le balayer un petit peu d'un revers de la main. Et puis quand par hasard on se fait prendre par surprise, je repense à Jour de colère par exemple en 2014 ou des trucs comme ça, tout d'un coup on se dit ah mais alors qu'est-ce qui se passe, ou alors quand il y a une agression comme l'histoire sur Nice, ou bien quand il y a un local qui s'ouvre, tout d'un coup on redécouvre l'extrême droite. Là où honnêtement, si du côté des milieux libertaires, égalitaires, il y avait un peu plus d'investissement dans la... Alors c'est sûr qu'on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'énergie à s'intéresser à l'extrême droite, je le comprends. Mais en même temps, c'est un mal nécessaire, parce que le jour où après ils passent à l'acte, et c'est quand même leur but à eux politiquement, il y a toujours un temps de retard. Et c'est ça qui est dans les réactions. Et c'est ça que nous, on voudrait... toutes les informations, là, de l'intérêt, je pense aussi, de ton émission, elle est là, c'est de, à travers cette actualité, c'est pas de rendre visible, enfin, c'est pas de faire la promo de l'extrême droite, mais c'est d'essayer de montrer que ça existe, et que, du coup... on est forcé de s'y intéresser pour pas qu'après ça nous pète à la gueule. Ok. Tout à l'heure on parlait vite fait du suprémacisme blanc. Hein. C'est vrai que en France on pense que c'est pas forcément très présent, mais on le verra juste après. Hein, Génération identitaire, notamment avec ce qu'ils ont fait à Paris là le 14 juin dernier, il y a quand même quelque chose. Et il y a aussi un autre groupement. Je pensais vraiment pas en entendre à nouveau parler. Terre et Peuple. Qui alors à Fondrement en Haute-Saône, le 20 juin dernier, avait prévu la fête du solstice d'été. Alors, je sais même pas si ça a eu lieu en fin de compte, parce que c'était encore pendant le déconfinement et au final, c'était pas sûr que l'événement se tienne. Terre et Peuple, rapidement, association créée en avril 95 par Christophe Bordon, Pierre Gilliot et Pierre Vial. Pierre Vial, c'est un ancien du Front National entre 1988 et 1998, et aussi du Mouvement National Républicain de Bruno Maigret ensuite. Et alors sur l'article de Fafouatch qu'on peut lire sur ce groupe, Terre et Peuple défend la civilisation blanche européenne et organise au niveau national deux événements par an, la table ronde qui se déroule à Rungis et les dites Journées du Soleil en juillet à la Domos Europa. Alors c'est à Ventabren, je sais même pas comment ça se prononce, dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que Terre et Peuple espère en ce moment? Quels sont ses objectifs? Est-ce que les militants de ce groupe ont d'autres préoccupations à part célébrer une espèce d'identité germanique, celte, arienne, païenne ou du coup blanche et européenne? Alors d'abord, Terre et Peuple n'a pas vraiment beaucoup d'activités hein, en dehors du solstice qu'ils font tous les ans. Alors je ne crois pas que cette année ça ait été fait. En tout cas, on n'a pas vu nous de compte-rendu. Et si ça a eu lieu, ça devait être très confidentiel. C'était déjà le cas en 2019. Alors l'idée c'est ça, hein, c'est de fêter le solstice en allumant un grand feu et en chantant des chansons. Ce que fait Terre et Peuple encore un peu, c'est des promenades avec des conférences en même temps, des promenades guidées si tu veux, je sais pas comment dire. Voilà, donc on se promène et puis il y a un guide qui vous explique, qui chante un peu l'histoire de l'Europe blanche. Alors c'est vrai que c'est une association qui a quand même le mérite d'exister encore alors qu'il y a plus vraiment de front neuf qui soit arrivé dedans, donc qui vivote, qui n'a pas de projet en tant que tel neuf. En revanche, c'est pareil, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui appartient un petit peu au passé, cette défense d'une Europe blanche ethniquement et de d'inscrire le projet politique du nationalisme dans cette histoire-là. Ouais. Parce que aujourd'hui, ce que défend Terre et Peuple, on le retrouve quand même assez peu porté par des structures qui proposeraient autre chose que de l'animation culturelle. Parce que c'est ça, ce que fait Terre et Peuple, c'est faire vivre une vision de la culture qui est une vision très racialiste, de blanche, en l'occurrence, vraiment assumée. C'est pas forcément pour les militants inintéressant, mais en tout cas, c'est pas repris, c'est pas un point d'appui aujourd'hui pour les militants nationalistes. Je dirais que ce qui marche mieux aujourd'hui que Terre et Peuple, parce que je pense qu'aujourd'hui, si ça a lieu, c'est vraiment entre amis, donc en tout petit comité. Oui. En revanche, il y a Academia Christiana qui est là pour le coup une espèce d'association culturelle aussi, mais de formation qui a accueilli plusieurs centaines de personnes cet été pendant un camp d'été avec des conférences, du sport, des animations culturelles également. Ouais. Et là où c'est beaucoup plus dynamique, mais pas du tout sur la même tendance. Déjà c'est chrétien pour commencer. Oui, déjà c'est pas païen, c'est pas non plus ethniciste, on va dire, comme les mêmes racialistes comme les bien sûr, il y a, ça veut pas dire qu'il y a pas de racisme, etc., là-dedans, mais c'est plutôt la défense de l'Europe chrétienne, de la culture chrétienne. Ouais. Et donc là, on a plus de vigueur. C'est ça qu'il faut voir, au-delà des représentations qu'on peut avoir de l'extrême droite. Mmh. En France, encore aujourd'hui, c'est les nationaux catholiques qui tiennent le haut du pavé, ouais. À la fois en termes de mobilisation, bah, c'est le cas de les marches pour la vie, c'est le cas à la fois sur le terrain de la formation, vraiment principalement. Okay. Alors certes, Jean-Marie Le Pen a ouvert ses archives, mais enfin bon, je pense pas que qu'un militant nationaliste aujourd'hui peut se former uniquement grâce aux archives de Le Pen. Mais en tout cas, pour ce qui est des jeunes générations, et là, ça a la croisée des chemins, parce qu'on va y avoir à la fois des catholiques intégristes, mais aussi, on en parlait en début d'émission, je crois même qu'on a ouvert avec ça, tu parlais de la librairie des dossiers à Nancy, ouais. Qui est de tendance ultra-conservatrice, réactionnaire, et qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a plus d'avenir politique dans cette branche-là de l'extrême droite. Ça peut paraître curieux, puisque c'est la branche la plus réactionnaire, la plus passéiste aussi, mais il y a surtout, certainement beaucoup plus d'énergie, de perspective dans ce milieu-là que chez les néo-nazis ou chez les peuples ou quoi que ce soit. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, un antifasciste averti, une antifasciste avertie, doit avoir d'un côté les yeux sur les structures jeunes, type encore quand même les identitaires, cocardes étudiantes pour le milieu universitaire, qui font un petit peu d'agitation, voir les milieux ultra, on en a un petit peu parlé, avec la visibilité qu'offre le Wesh Casual aux actions de rue. Ouais, oui. Et pour ce qui est du projet politique, et en particulier de cette espèce de serpent de mer là que l'extrême droite derrière lequel l'extrême droite court et essaye de se reconstruire, c'est celui de l'union de cette fameuse union des droites. Mmh. Il est clair que l'union des droites se fera certainement beaucoup plus facilement sur des fondamentaux réactionnaires, ultra-conservateurs. Oui. En tout cas, c'est la tendance. Lesquels, par exemple? Je pense des personnalités. Alors, à la fois des anciens, les époux Ménard, Mario Maréchal. Bien sûr. Après, pour les plus jeunes, Eric Tegner, alors qu'il a quitté là, sa structure Racine d'Avenir, mais qui a dit qu'il se mettait en retrait de la politique. Mais Mario Maréchal l'a dit aussi, et puis on voit bien qu'elle est au taquet. Ouais. Donc lui, peut-être qu'on le reverra jamais, mais en tout cas, des gens comme ça, même des personnalités qui... aujourd'hui, justement, c'est un petit peu ça leur souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnalités fortes forcément qui émergent, à part les Ménards et compagnie qu'on a déjà cités. Mais en revanche, au niveau des formations, au niveau des futurs militants, des cadres qui se forment, c'est vraiment plutôt de ce côté-là que l'offre est la plus sérieuse. Et donc... on peut imaginer que qui se forme aujourd'hui sur des présupposés ou des doctrines ultra-conservatrices portera ces projets-là dans le futur. Donc on verra bien, mais et c'est vrai que c'est pas forcément ces milieux-là sur lesquels face auxquels les antifascistes sont les mieux armés, parce que dans les représentations que les gens peuvent avoir de l'extrême droite, on n'y pense pas forcément, on pense plus facilement, encore aujourd'hui, même si c'est plus vraiment la réalité, au nazisme, au fascisme, etc. Ouais. Ce que ne sont pas clairement les mouvements nationaux catholiques, puisque pas tout à fait, dirons-nous. Il y a des points communs, on peut retrouver l'antisémitisme, le rejet de l'étranger, etc. Mais enfin, ils sont quand même sur d'autres bases. Ouais. Et puis, et voilà que souvent les gens connaissent pas très bien. Ok, alors cette fois on va migrer sur Paris directement parce que le 14 juin dernier, du coup, vous en avez certainement entendu parler, Génération Identitaire a fait irruption sur le toit d'un immeuble Place de la République pour déployer une banderole à l'occasion de la manifestation contre les violences policières, notamment appelée par le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, sur laquelle était écrit, je cite, « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc, hashtag White Lives Matter ». Alors, les militants de Génération Identitaire, quand ils sont descendus de l'immeuble, ils ont été emmenés par la police pour un contrôle d'identité entre guillemets. Enfin, ils sont ressortis aussitôt et preuve en est qu'ils se sont photographiés en terrasse d'un café à peine quelques heures plus tard. Alors, sur Paris, GI a son local dans le 15e arrondissement, au 20 rue Juge. Comment est-ce que les identitaires, ils ont pu s'implanter sur Paris alors que ces dernières années, ils n'étaient pas si présents que ça quand même, Hervé ? Alors d'abord, il faut dissocier deux choses. Il y a l'action Place de la République et les identitaires sur Paris, parce que c'est pas les identitaires parisiens qui ont mené l'action. Ah. Non, puisque la plupart des militants, même pour ainsi dire, tous ceux que nous, en tout cas, on connaissait, il n'y en a pas un qui était de Paris. D'accord. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de Parisiens parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Donc il y avait peut-être des gens qu'on ne connaît pas et qui sont militants sur Paris. Mais pour les têtes connues, il n'y en avait pas un qui était de là. Donc c'est une action. Mais comme aujourd'hui, toutes les actions de Génération Identitaire, depuis 2012, depuis l'acte fondateur de Génération Identitaire, qui est donc l'occupation du chantier d'une mosquée à Poitiers. En 2012, à l'époque, il y avait 70 personnes. On n'est plus dans les mêmes proportions aujourd'hui, heureusement. Mais à l'époque, sur les 70 personnes venaient de toute la France. C'est-à-dire quand les gens se sont fait attraper, et qu'après, les gens se sont vantés d'avoir participé à l'action, il en était de partout. Mais ça faisait 70 personnes. Aujourd'hui, quand les identitaires battent le rappel pour rassembler, pour faire une action quand même, qui était une action nationale, parce que c'est ça aussi, le rassemblement antiraciste, Black Lives Matter de Justice pour Adama, qui se rassemblait Place de la République, avait une audience quasi nationale, parce qu'on sait aussi que ce qui se passe à Paris, j'allais dire malheureusement, un peu quand même, ça a tout de suite c'est ça qui a une audience nationale, et du coup les identitaires se sont dit banco. Nous, on va squatter en fait un petit peu cette initiative. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf qu'aujourd'hui, quand les identitaires battent le rappel dans toute la France, ils rassemblent 15 personnes, parce que c'est ça le nombre qu'ils étaient. Et chacun venait d'une autre région. Alors après, c'était quand même bien organisé leur truc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que d'abord, les riverains ont été les premiers à réagir, puisque juste les gens en dessous ont essayé d'arracher la banderole. Et puis surtout que ça a été pour eux. Alors, ils se croyaient, il y avait un sentiment d'impunité très fort, parce que nous, on était là, puisque on était venus au rassemblement, et donc on les voyait. Et ils se croyaient très. Il y avait vraiment un sentiment d'impunité très fort. Ils faisaient la chenille, ils dansaient, enfin ils faisaient les malins. Sur le toit. En pensant que personne n'irait les chercher là, quoi. Et que si c'était la police, ça se passerait bien. Ils commencent à comprendre qu'il n'y a pas grand chose pour eux à craindre de ce côté-là. Tu m'étonnes. Et donc, du coup, ils étaient tranquilles. Et ce qui s'est passé, c'est que conjointement, il y a eu l'initiative incroyable de l'acrobate après, que c'était donc un adepte de parcours un peu connu sur Instagram, qui a créé la surprise et était l'élément inattendu pour les identitaires, parce qu'ils pensaient pas, et personne ne pensait, que quelqu'un allait avoir l'audace d'escalader cette façade de plusieurs étages pour aller décrocher la banderole. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à cette action, à cette initiative individuelle de l'acrobate, c'est pas un militant politique, mais c'est une action politique. Parallèlement, il y a aussi des gens, pareil, assez spontanément, qui ont essayé de les contrecarrer sur le toit eux-mêmes. Et là, on a vu tout d'un coup tout ce que les identitaires avaient essayé de montrer comme force se dégonfler. D'accord. Puisque une scène saisissante, elle a été filmée, les gens même qui n'étaient pas là peuvent la voir, je pense, sur Internet, c'est que l'acrobate donc a décroché la banderole, et puis après a été au contact avec ces gens-là, et il leur a mis la misère, c'est-à-dire, et de façon assez pacifique, c'est-à-dire il les a pas frappés ni rien, mais c'est vraiment tellement foutu de leur gueule que, alors en termes de c'est là où les identitaires sont forts, c'est que honnêtement, quand on voit ce qui s'est passé, c'est un camouflet total. C'est vraiment, franchement, mais ils se sont tapés la honte, tout le monde. Ils ont été la risée de tous les gens sur place. Mais comme la communication est bien maîtrisée, ils ont réussi avec la complicité passive, on va dire, des médias mainstream. Même actifs de certains médias. Et actifs de certains médias, c'est vrai. Je ne vais pas les citer. Non, mais tu as raison. Passives et actives des médias mainstream, de dire, les identitaires ont fait ça. Alors qu'en réalité, leur action a été ridicule. Et je pense quand même que, donc un grand merci à l'acrobate et aux jeunes qui ont eu le courage de contrecarrer leur action. Je pense que la prochaine fois, jusqu'à présent, ils avaient beaucoup fait ça. Ils l'avaient fait à la cave de Bobigny, ils l'avaient fait. La cave de Bobigny. Voilà, ils avaient déjà déployé des banderoles. En fait, ça coûte pas cher. Enfin, il suffit juste de faire éditer la banderole. Ça coûte un peu cher. Mais ça, ils ont de l'argent. Ce que je veux dire, ça coûte pas cher en termes militants. Ils les font ça pas. Ça demande pas beaucoup de militants. à une dizaine, il faut juste de l'argent, mais ils en ont, hop, ils éditent la banderole, et puis on n'en parle plus, et hop, on se filme pendant trois quarts d'heure, et c'est fini. C'était ça le plan. Et ça, c'est ce qu'ils savent faire, mais c'est aussi la seule chose qu'ils font réellement. Il y a plus de, comme il y avait justement pendant un temps, des tentatives de, bah, d'ouvrir des lieux, de mener des actions régulières. Alors c'est vrai que sur Paris, il y a une activité identitaire, puisqu'il y a toujours des clubs, des cours de boxe par exemple qui sont donnés, des espèces de petits entraînements qui sont organisés. Ah bon, oui. Bah dans le 15e justement, t'en parlais. Donc oui, il y a encore un petit peu d'activité, mais très très confidentielle. En revanche, on voit bien que les actions d'éclat sont surtout des actions baudruches. C'est-à-dire que derrière lesquelles, finalement, il n'y a pas grand-chose. Ok, bon, là, il est 18h25, donc on va rendre l'antenne. On va passer la main à l'émission suivante, hein, Femme Libre. On aurait pu, j'avais du contenu sur le sujet, hein, on aurait pu parler de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis, qui a été active par-ci, par-là, vite fait. On aurait pu parler aussi, reparler de la Ligue du Midi et de l'Action Française, cette fois sur Montpellier. Il y avait aussi une obscure Ligue des Volontaires, dont j'ai entendu parler, je ne sais même pas ce que c'est, je t'aurais bien demandé... De quoi tout ceci est fait. Bon, pour notre part, ça sera pour une prochaine fois. Et oui, parce que là, du coup, on arrive à la fin de notre créneau, fin du coup de ce 5e numéro d'actualité antifasciste. Merci à toi. Et ben, merci à toi pour l'invitation. Merci aux auditeurs, aux auditrices de nous avoir écoutés. Merci à vous de nous avoir écoutés. En effet, dans quelques minutes, comme j'ai dit, émission Femmes Libres jusqu'à 20h30. Nous, on revient le mercredi 14 octobre à 17h, parce que maintenant, comme je l'ai dit en tout début d'émission, on est là les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et je pense qu'on reviendra assez largement sur la manif pour tous qui reprend du service. C'est quand c'est le dimanche ou le samedi 10 octobre, il me semble. Oui, c'est le 10 octobre. Ok, et ben en attendant, bonne écoute des programmes sur Radio Libertaire. Pour rappel, 89.4 FM en Ile-de-France et sur anarchiste.info/radio/libertaire. Merci à toutes et tous. Salut, à bientôt.